toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Roquefort Show, le premier Roquefort Show du mois de octobre, puisque ça y est, nous sommes en automne, depuis une bonne semaine déjà, mon cher Tom, bonsoir. Bonsoir. Voilà, jeudi 6 octobre 2016. Exactement. À 20h, enfin 19h48, parce qu'on a pris avec du retard. Fumier, bah, il regarde pas l'heure, c'est pas possible ça. Et bon, comme ça au moins les Québécois ils ont entendu le générique. Oui, et puis ils ont entendu en plus l'hommage que nous allons faire à Marquis qui nous a quitté, guitariste fondateur du groupe ADX avec Doug et Phil. Et puis c'était le titre Marquis du Mal, tiré de l'album La Terreur, sorti en 1986, c'est chez Sydney Productions. Voilà, le groupe était formé donc en 1982, Marquis était bien entendu un des instigateurs de ce groupe. Le groupe est originaire de Compiègne en Picardie. Monsieur Marquis, de son vrai nom Hervé Tasson, donc Hervé Marquis Tasson, qui était à l'origine également de tout, enfin de pas mal de solos, de mélodies, de choses que vous avez appréciées durant les 5 premiers albums du groupe, hein, puisque il a été là de 82 jusqu'à 2001, et on peut le retrouver également sur les 2 premiers albums live du groupe. Voilà, donc il nous a quittés, et le groupe a fait un vibrant hommage au Trabendo mardi soir en première partie de Angra. Et ben merci, un grand merci au public qui a été là, chaleureux et présent. Et voilà, c'était assez émouvant. Et voilà, donc Marquis repose en paix. Et on s'associe pour souhaiter, enfin, donner nos condoléances à la famille et à tous les amis, bien évidemment, de la part du Roquefort Show. Voilà. C'est difficile après de redémarrer là-dessus, parce que chaque semaine on dit bon, on va peut-être pas parler d'ADX cette semaine, et puis l'actualité non, on rattrape quand même. Là on est obligé. Hein, ouais. Bah, on va en parler même deux fois, hein, parce que le groupe est également à l'affiche du Conquérant Metal Festival, qui est un festival bénéfice. Vous allez voir, on va vous en parler dans la deuxième partie de l'émission. Et pour l'instant, on va vous dire ce qu'il y a en fond sonore, puisque le groupe s'appelle Praying Mantis. On vous en a parlé la semaine dernière, parce qu'ils seront au British Steel Saturday Night 5, qui se déroule à Fim. Et comme on vous l'avait promis la semaine dernière, on va vous faire gagner des places pour aller à ce festival, où vous pourrez retrouver également Tokyo Blade, Absolva, Gang, bien évidemment. Et si vous voulez toute la programmation, bah vous allez réécouter. Ah bah non, ils peuvent même pas aller réécouter l'émission de la semaine dernière. Non, celle d'avant, oui, mais pas celle d'avant. Ouais, mais on s'en fout de celle d'avant. Hein ? Parce que la promo, quand on fait un festival, c'est cette semaine. Tom ! Donc, le week-end a été difficile. Si vous ne pouvez pas écouter l'émission de la semaine dernière aujourd'hui, c'est de la faute de Tom. Je dénonce. Je dénonce pas, je renseigne. C'est plus simple. Alors attention. À tes souhaits. Ça y est, excusez-moi, mais ça y est. Le printemps, non, c'est les pollens. Ouais, on remarque que ça ressemble un peu au printemps aujourd'hui. Hein. Il faisait froid, mais il faisait beau. Ah bah il fait comme ça depuis quelques jours, mais vivement la pluie, hein, désolé. Et il fait beau au Canada, je pense qu'on a un temps comme les Québécois. Ouais, et on a un été indien, presque frais, ouais. Frais, allez, très frais. On passe le bonjour également donc aux Québécois, aux Canadiens, qui nous écoutent via Radio Biz. Radio-Canada.biz. Radio-Canada.biz, d'accord. Ok. Enfin, même Radio-Québec.biz. Ou alors c'est Radio-Canada ou Radio-Québec ? Non, Radio-Québec.biz. Bon, j'ai rien, voilà. Que tu donnes des informations justes. Hein. T'es pas mieux. C'est le gars qui se plante, qui est de mauvaise foi, mais au possible. Mauvaise foi, man. Avec ton t-shirt, t'es beau. Tiens, on le mettra sur la page Facebook. Ouais, on mettra sur la page Facebook ce beau t-shirt. Et puis il a une belle casquette. Il a la casquette, il va avec. Il y a le t-shirt, il y a la casquette. Tu veux voir le slip aussi ? Ouais, il y a le bonhomme. Hein. Ouais, le slip, non, garde-le pour toi. On va commencer avec des nouveautés, tu veux bien ? Ah oui, hein, tu veux bien ? Avec ce genre de musique, c'est très bien. Voilà, et on va commencer avec. Ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Ça ressemble à Jean-Luc. Hein. Ouais, bon, bah arrête. Femme, on pense à Jen. Ah oui, on pense à Jen, qui a pas pu être là ce soir. Peut-être nous écoute-t-elle. Bon, bah gros bisous, Jen. Et envoie-nous un petit texto au 06 81 01 28 34. Voilà, comme ça on saura si tu es là. Et puis vous, bah retenez bien ce numéro de téléphone, puisque pour gagner des places pour aller à FIM la semaine qui arrive, là, c'est la semaine prochaine, hein. Ce sera samedi prochain. Le 14, eh bien, vous nous appelez au 06 80 01 28 34. Merci. Allez, on va commencer avec des nouveautés, avec le nouvel album de Meshuga qui s'appelle The Violent Sleep of Reason. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Born in Dissonance. Les Meshuga, groupe suédois, ça sort chez Nuclear Blast, ça sort demain. Hein, donc, bon, pas vraiment une exclu, mais bon, c'est pour demain. Ça vous permet de patienter jusqu'à demain. C'est leur 9e album. Ils ont quand même 29 ans, ces Suédois. Hein. 29 ans. Oui, 29 oui, ans d'existence, oui, c'est oui, pas oui. mal. Tout à fait. Le groupe s'est formé en 1987. Bien évidemment. Un groupe que tout le monde apprécie à sa juste valeur de métal expérimental. Quoique maintenant, c'est quand même de plus en plus trash death. Hein, ouais, expérimental depuis 87, c'est plus d'expérimentation. Voilà, tout à fait. Nous enchaînerons ensuite avec des Canadiens. Puisqu'il s'agit du groupe Tactus. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Similar, tiré de leur album Bending Light, qui sortira également demain. C'est une autoproduction. C'est un quartet de progressif metal, mais attention, avec deux chanteurs. C'est-à-dire que non, vous c'est avez un quintet, pas un quartet. Un quintet. Ouais, ouais, mais bon, c'est parce qu'il y en a un qui est arrivé en plus, là. Non ? C'était un quartet, puis après, il y en a un qui est arrivé. Ah, on va faire un quintet, c'est ça ? Non ? Bon, en tout cas, le quintet dans l'ordre, c'est Tactus. Métal progressif, donc avec des tendances un petit peu. C'est pas vraiment death, mais c'est sympathique. Il y a du scream dedans, quoi. Oui, enfin, pas du scream, c'est du. Moi j'ai marqué hurler, mais en fait, c'est pas vraiment ça, vous allez voir, c'est une voix un peu plus gutturale, on va dire. Hein. Mais c'est très très bien, moi j'ai vraiment adoré. Et ils nous viennent de Fredericton, au Canada. Tu connais ? Oui. Parce que quand Fredericton, faut aller ouvrir. Parce qu'il est à la porte. On est que deux, ça sonne un peu creux, mais c'est très bien comme ça. Ouais, mais j'aime bien. Il fallait la faire. Hein. Voilà. Ensuite, nous enchaînerons avec une reformation. Le groupe s'appelle Face to Face. Groupe français. Rappelez-vous, dans les années 80. Ouais, 80. Face to Face avec monsieur Fabien Gévrez qui est décédé. Il y avait également Christian Namour à la batterie. Hein, il y avait Fred Guillemet qui est toujours là. Il est toujours là, notre bon cher Fred, ex Warning et ex Trust. On retrouve à la guitare, on retrouve des gens qui étaient là depuis 2012. Et puis au chant, on a vu ça là aujourd'hui. Au chant, on retrouve monsieur Olivier Delval. Olivier Delval qui était dans Shannon, qui est toujours d'ailleurs, je crois, dans Shannon, et qui participe également au chant de Blasphème. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire bah oui, il y avait Christian Namour qui est décédé, il y avait Fabien Gévrez qui est décédé également. Donc Christian Namour avec, qui était avec Patrick Ronda à ses débuts. Qui c'est qu'on avait d'autres encore que vous pourriez connaître Eh bien, on avait un autre host, puisqu'il y avait aussi monsieur Farid Medjan qui a participé à Face to Face. Ouais, on avait Farid Medjan. Bah, c'est ça que tu veux dire. Non, je viens de te le dire. Plus haut. Thierry Dutru. Voilà. Voilà. Et Fabien Gévrez, oui, j'ai oublié de vous dire qu'il était dans Jinx à l'époque. Voilà. Donc, vous allez découvrir ce nouvel album de Face to Face. Mais t'as mis du monde, hein. Quand je vois le groupe, je fais waouh. Ah oui, oui, non, mais c'est les anciens membres. C'est les anciens membres. J'ai bien compris. Hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Mais on retrouve quand même des ex-trust. Donc voilà, moi ça me plaît ça. Et l'album est très très bien. Mais il n'y a pas Nono. Non, il n'y a pas Nono. Nono, il avait formé Nono. Il avait formé un autre groupe. Nono, un deuxième membre. Donc, Face to Face, là, le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est le titre éponyme de l'album qui s'appelle After. Oh, il suit pas. Non, je te suis pas parce que After. Je suis sur autre chose. After. Voilà. After the Storm. Oh là là là là, c'est terrible. Heureusement que Jen va revenir. Excuse-moi, je suis sur autre chose en même temps, je peux pas. Et l'album est sorti chez Bredus le 30 septembre. Oui. Voilà. Et c'est le quatrième bien seulement. Exactement. Enfin, de ce groupe. C'est le quatrième album de Face to Face. Et puis nous allons enchaîner. Ah oui, il y avait Hervé Reynal aussi à la guitare. Hervé Reynal de Atlanta Rock et de Pink Rose. Hein. Et nous allons retrouver en dernier titre pour cette première programmation musicale nos invités de la semaine prochaine. Yann Armaleno et El Butcho. Exactement, qui viennent de nous sortir un nouvel album dont on vous a parlé la semaine dernière qui s'appelle Better Way. Enfin, ils l'ont pas encore sorti, puisqu'il sortira que le 14 octobre. Bah oui, donc même quand ils vont venir la semaine prochaine, il sera pas encore sorti. Non, non, non, ils viennent en exclu dans l'émission, jouer en live et répondre à nos petites interviews. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Soldier of Rain. Je pensais qu'il allait y avoir de la pluie ce soir, c'est pour ça que je vous l'avais mis. Et puis non, en fait, non, il a fait beau toute la journée. Et c'est tant mieux. Ça sort chez Nota Bene, donc. Et puis voilà, bah, le groupe Nota Bene. Note, c'est Note à Bene. Ok. Hein, Bene, okay. Ça doit être Bénédicte, je pense. Oui, j'imagine. Parce que là, c'est écrit Note à Bene. Oui, Note à Bene. Oui, cool. Voilà. Ok, ça va. C'est cool. On en saura plus la semaine prochaine de tout. Oui, façon. Bien entendu. Donc. Puis c'est des Français, puis c'est l'auteur du générique du Rock for Show. Exactement. Puis voilà, allez, on récapépète depuis le début. On commence avec Meshuga. Yes, on enchaîne avec Tactus Face to Face et Yann Armaneno. Allez, et musique. Butch. C'est parti. We are rage. Stars that could calm my flickering mind, like I've never faced Radio, vous êtes toujours à l'écoute du Rock Floor Show avec Tom et Phil. Ça va, Tom? Je sais pas, ça a l'air de ramer grave. C'est vrai, ça rame grave. Qu'est-ce qui rame? Donc, je suis sur les palmes. On va nager. Oui, donc certains auditeurs ont des problèmes sur Air Radio. Connectez-vous sur radiocanada.radioquebec.biz. Ils peuvent pas t'entendre. Oui, mais bienvenue aux auditeurs de Air Radio sur radioquebec.biz. On est là aussi. Voilà. On est un peu partout dans le monde entier grâce à Radio Biz. Voilà, donc connectez-vous, on va vous mettre le lien sur Facebook pour tous ceux qui... ceux que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Lost Opera. J'allais dire Lost Horizon, non, pas du tout, ça s'appelle Lost Opera. D'ailleurs, Lost Horizon, c'est un très très bon groupe et on n'en entend plus parler, c'est bien dommage. Bon, Lost Opera qui sera en concert le 8, c'est-à-dire samedi, à 19h. Mais ils seront pas tout seuls, ils seront avec Symphobia, ODE et surtout avec Unscared. Ça sera au O'Sullivan Backstage from the Mill, by the Mill, excusez-moi, au 92 boulevard de Clichy. Les entrées sont entre 10 et 12 euros. Alors 10 c'est si tu as moins de je sais pas quel âge, et 12 c'est quand t'es adulte, je pense. Ou alors c'est en pré-vente, non voilà, c'est ça, c'est en pré-vente et le jour même. Donc 10 euros en pré-vente et 12 euros le jour même. Donc on vous rappelle le concert samedi 8 à 19h, Lost Opera, Unscared, Symphobia et Aude. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Eh ben oui, ce qu'on a écouté juste avant, on a donc écouté Meshuga, on a enchaîné avec Tactus, le groupe canadien, suivi de deux groupes face français. Face to Face. Yes. Et Yann Armelino et El Bocho. Qu'on s'en fera la semaine prochaine. Exactement, même lieu, même heure, ce sera le Rock Floor Show. Spécial Yann Armelino. Avec une session électrique. Oui, mais peut-être qu'il va nous dévoiler aussi des choses pour l'avenir. Pour l'avenir. Il va sortir sa boule de cristal. Plein de choses, il va nous dire, monsieur Yann Armelino. En tout cas, un excellentissime album. Better Way, ça s'appelle. Et on en parle la semaine prochaine. On va entamer maintenant la grande partie de cette émission de ce soir qui est consacrée au Conquerant Metal Fest organisé par l'association Un Sourire pour Valentin. Valentin qui est un enfant qui est atteint d'une maladie grave qui apparemment l'empêche de développer sa cage thoracique. Hein. C'est un peu ce que tu as vu sur internet. Oui, c'est ce que j'ai vu. La maladie est très compliquée. Je ne vais pas vous la citer comme ça, mais vous pourrez retrouver sur Facebook par exemple. Voilà. Vous allez sur l'association, si vous le voulez. Vous allez sur l'association comme... Un Sourire pour Valentin et tout vous sera expliqué. Comme soutenir plein d'autres associations. L'association Pasteur, c'est ce week-end. Après, ce sera le Téléthon. Et puis... Non, mais là, ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est un festival métal. Oui. C'est le métal qui se met au service. Oui. De ce petit Valentin et au profit de ce petit Valentin et on peut saluer parce que tous les groupes mettent du leur hein, bien sûr, de toute façon à partir du moment que tu t'investis dans quelque chose tu me dis tiens et ils font preuve d'une grande générosité. Voilà, donc ça c'était à préciser. Le festival aura lieu le samedi 22 et le dimanche 23 octobre 2016 bien évidemment à l'espace Coisel à Saint-André. Enfin, Coisel, Saint-André sur Orne et la ville, donc ce sera à Saint-Martin de Fontenay dans le Calvados. Hein, on vous répétera de toute façon l'adresse tout à l'heure et on va vous débriefer un peu les groupes qui vont jouer là-bas, qui vont un petit peu essayer de rapporter des sous pour cette association. On commence en tête d'affiche pour le 22, ce sera donc Loud Blast. Et on a choisi un titre de leur dernier album qui s'appelle Burial Ground, qui était sorti chez Lestinable en 2014. Et le titre que je vous propose d'écouter ce soir s'appelle Darkness Will Abide. Nous enchaînerons... qu'est-ce que je peux vous dire? Non, c'est un album de 10 titres, bien sûr, en 10 J-Pack. Il y avait un titre bonus dedans. C'est du Thrash Death. Et le groupe s'est formé en 1985 en France, près de Lille. Voilà, on enchaînera ensuite avec... on a passé un titre tout à l'heure en ouverture d'émission d'ADX, mais là, c'était pas du tout pour la même raison. Et là, donc, ADX sera également avec Loud Blast à l'affiche de ce Conquerant Metal Fest. Et je vous propose de découvrir un morceau de Non Serviam qu'on vous a déjà passé dans cette émission, puisqu'il s'agit de B-17 Phantom, la fameuse épopée d'un bombardier qui vole sans équipage, qu'on a retrouvé sans équipage et qui vole. vole et continue à voler. Voilà, c'est l'histoire du BDZ Fantôme. L'album de Non Serviam donc est sorti chez Ultime Record le 10 juin 2016. Une date qui nous a marqué tous, hein, parce que ça a été un grand moment avec une séance de dédicace la veille chez Gilbert Joseph. Voilà. Et une émission radio, et puis une dédicace. Plein de choses. Hein. C'était une émission radio, et puis en même temps, on était au stand. Enfin, juste, on a fini l'émission, on était déjà rendu au stand dédicace. Ouais, on a fait un voyage en hélicoptère, si vous voulez. C'était hallucinant, ouais, il y avait une séance au Dr. Feelgood également. Ouais, voilà. Du studio au Dr. Figoul, on était en hélicoptère. Téléportation. Boum. Il est pas monté dedans. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme actualité sur ADX ? Eh bien, ils rééditent en ce moment les albums Division Blindée avec des bonus live et d'excellentes factures. Et Ultimatum avec agrémenté également de bonus live. Donc, quand tu dis d'excellentes factures, ça veut dire que c'est beaucoup plus cher ? Non, c'est exactement le même prix, sauf que vous en avez un peu plus. Vous avez du live. Alors, je crois que c'est par titre, enfin par album, je crois qu'il y a trois titres live pour. Si mes souvenirs sont bons, hein, c'est trois titres live pour Division Blindée et deux titres live pour Ultimatum. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Les albums. Alors, l'album Division Blindée a été un petit peu remasterisé. Hein, on va dire, et donc vous avez quelque chose d'un peu plus gonflé, puisqu'au niveau de la prog, il était un petit peu léger à l'époque, et donc on l'a un petit peu reboosté. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à vendre sur le stand d'ADX ? Eh bien, il y aura des mini guillotines dont on vous a mis des photos. C'est des mini guillotines, c'est des pins en fait. ADX réhabilite le pins. Hein, bien sûr, et le pins coûte 5€, donc si vous voulez être estampillé à l'image. Hein, de votre groupe préféré, ben vous avez ces mini guillotines en métal. En métal, bien évidemment. Elles ne coupent pas, hein, mais elles piquent. Une guillotine qui pique. Ça pique, hein, quand même. Une guillotine qui pique. Une fois que t'as coupé un peu, ça pique. Voilà, on enchaînera ensuite avec un autre groupe qui participe à l'affiche de ce Conquérant Metal Fest. Il s'agit des Bayonets de Killers. Alors, on a parlé de la guillotine, on parle des baïonnettes, de Killers qui nous avaient enchantés en 2002 avec un album qui s'appelait Habemus Metal. Et je vous ai choisi, bien entendu, le titre HM 2002 qui se nomme Heavy Metal. Hein, vous allez voir, excellentissime. Oh là là, ce soir j'ai du mal. Hein, excellentissime morceau que l'on peut reprendre ici. On va le reprendre ici. Heavy Metal. Heavy Metal, tu seras prêt Ah yes, bah, je suis toujours à fond moi. Ah, tu seras à fond. Donc on va faire ça, on va peut-être se filmer. Eh, si on se filmait. Hein, un petit peu pour... Non, non, tu, non, non, non, bah non. Si on va te filmer avec ta casquette et ton t-shirt. On va se filmer puis on chantera. Heavy Metal. Habemus Metal, donc sorti chez Brennus à l'époque. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Bah, le dernier album de Killers qui s'appelle Le Baiser de la Mort, qui est une autoproduction qui est sortie en 2015. Voilà, le groupe 22 albums quand même. Oui, mais y compris les lives, hein, parce qu'il y a beaucoup de lives. Dont un live du PMFF en 2008, ce qui est fabuleux quand même. Hein. Pourquoi tu parles du PMFF ? Parce que ils ont sorti le live du PMFF. Je croyais que tu parlais du PMFF en 2008. Je croyais que tu parlais pour autre chose. Non, pas du tout. Donc c'est pas la peine de nous appeler pendant qu'on est à l'antenne, mais effectivement ça doit être un auditeur qui n'arrive pas à écouter l'émission et qui nous appelle en plein d'émission. Donc voilà, on lui répondra tout à l'heure. Tu aurais pu décrocher puis tu lui parlais. Tu fais la radio en même temps. C'est bon, je fais la radio en même temps, donc il m'entend normalement et je peux pas lui répondre. Mais tu peux lui dire par contre, on peut lui dire tu vas sur radioquebec.biz. Voilà, si tu as des difficultés sur Air Radio, et tu vas sur Radio Québec. Normalement. Par contre, sache une chose, c'est qu'on ne t'entend pas. Voilà, nous on t'entend pas, donc on peut pas te parler. C'est du Heavy Speed, bien sûr, Killers. Ils se sont formés en 1984. Et comme je vous l'ai dit, ils nous viennent de Bayonne, comme le jambon. Hein, mon cher Tom. Bah, Tom, il suit rien du tout. Alors, Loot Blast, ADX Et puis le jambon de Bayonne de Killers, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dans votre poste sur Radio Biz, sur R Radio quand ils auront décidé de nous réémettre. Ouais, ouais, et en tout cas, j'espère que tout le monde fonctionne, parce que moi je dis Radio Biz, mais ça se trouve Radio Biz ça déconne aussi. Mais non, ça doit fonctionner, je pense, Radio Biz. Sinon on aurait eu tous les Canadiens qui nous auraient appelé et qui nous auraient crié au scandale sur Facebook, je pense. Non, non, ça fonctionne, Radio Biz. Ça fonctionne. Et donc, on va y aller en musique, mon cher Tom. 06 81 01 28 34, si vous voulez aller au... Alors là, c'est pas au Conquérant Festival, puisqu'il n'y a pas de place à gagner. C'est un concert bénéfique, donc il faut absolument payer sa place. Mais par contre, si vous voulez aller à FIM, voir le British Steel Saturday Night 5, eh bien, vous pouvez nous appeler au 06 81. Non, ils envoient des messages, parce qu'il y en a qui appellent. Ton téléphone, il est déjà pris, là. C'est vrai, il est pris. Donc, il faut nous envoyer des textos en disant « Je veux aller à FIM, s'il vous plaît !» 06 81 01 28 34. Allez, musique. Load Blast. 22 ici en France et il est combien là-bas? Non, parce qu'il faut que tu parles doucement afin qu'ils aient tout en même temps ou presque. Apparemment, comme je disais, avec Conram, faut vraiment qu'on rame parce que la connexion ne marche pas bien. Le grenier est mal desservi, ça. Voilà. Bon, ce que vous entendez. En même temps, il n'y a plus de soleil, donc c'est pour ça. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Suicide and Angels. Ils seront en concert, c'est un concert Garmon Bosia Incorporated. Ce sera également samedi, il y a beaucoup de choses hein, en ce moment, beaucoup de concerts, beaucoup de reprises. Donc le concert aura lieu samedi 8 à 18h. Il y aura donc Suicidal Angels, Skullfist, Evil Invaders et Chrysix. Donc c'est du spécial trash metal. Et ça sera au Petit Bain, 7 Port de la Gare. L'entrée est à 20€ en pré-vente et 22€ en sur place, bien évidemment. Hein, donc soirée spéciale trash. Nous allons continuer dans le spécial Conquérant Metal Fest avec la suite de la programmation. Bon, je vais vous rappeler un petit peu aussi où ça se situe, hein, parce que pour ceux qui veulent aller dans le Calvados, parce qu'il y a du, Calvados, bien évidemment, il y a du Calva, mais il y a également du bon fromage, il y a plein de bonnes choses dans le Calvados. Alors, l'association donc Un Sourire pour Valentin organise ce concert qui s'appelle le Conquérant Metal Fest, avec les groupes comme Lootblast ADX, Killers que vous venez d'entendre. Et ça se trouve donc dans l'espace Coisel Saint-André-sur-Orne, dans le Calvados, à Saint-Martin-de-Fontenay. Voilà, ça c'est pour, pour que vous ayez bien eu le temps de noter tout ce qu'il fallait pour ce festival, le spécial Conquérant Metal Fest. Nous allons continuer dans la joie, la bonne humeur et la musique. Avec la suite de la programmation, il s'agit des Belges, les Belges de Drakkar, qui sont également à l'affiche et qui nous proposent un extrait tiré de leur dernier album qui s'appelle Once Upon a Time, trois petits points de suspension, In Hell. Le morceau s'appelle Lust, il est excellent et je vous le conseille, et d'ailleurs je vous le diffuse ce soir, bien évidemment. C'est sorti sur Spinal Records en 2014, c'était le troisième album du groupe, c'est du heavy metal pur souche, bien évidemment. Le groupe existe depuis 1983, ils nous viennent de Belgique, de Mons exactement. Et voilà, et ils seront à l'affiche une nouvelle fois avec ADX, puisque le groupe va partager assez régulièrement l'affiche avec ADX, et ADX va partager l'affiche, bien évidemment, avec Drakkar, puisque c'est un échange de bons procédés. Nous enchaînons ensuite avec Des Illusions, le groupe français, qui nous a sorti un magnifique nouvel album Metal Influence, enfin, sorti en 2014, hein, chez M&S Metal Record. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir est vraiment très bien, ça s'appelle Addiction. Et puis quoi, Addiction, c'est leur troisième album, il fait 11 titres, c'est du pur heavy metal à la française, bien évidemment, chanté en français. Le groupe s'est formé en 1999 à Lisieux. Hein, Lisieux. Voilà. Calvados. Basse-Normandie, exactement. Et je passais... Basse-Normandie, c'est la région. Ouais, mais je passais ces groupes-là parce que je sais que notre cher Jen a vécu pas mal d'années dans la région là-bas. Donc ouais. Je pensais qu'elle allait rebondir là-dessus, tu vois. Et puis du coup, bah non, hein, puisqu'elle est pas là ce soir. On est bien triste d'ailleurs. Jen, reviens Jen. Et nous continuerons donc cette programmation du Conquérant Metal Fest avec Dagoba. Eux, par contre, joueront le 23, et pas le 22. Ils joueront le 23 avec plein d'autres groupes. On vous les recitera tout à l'heure. Le titre que je vous ai choisi est tiré de leur dernier album qui s'appelle Tales of Black Down. Et c'est Twice Born. C'est sorti chez Vericorn en 2015. C'est un album de titres avec un magnifique digipack. C'était le 7e album du groupe, dont un live, hein, bien évidemment. Et c'est du power metal. Le groupe s'est formé en 1997 en France, à Marseille, puis en Provence, Alpes, Côte d'Azur, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah rien, écoutez, hein, écoutez si vous pouvez, sur radioquebec.biz. Ou si vous pouvez tout court. Écoutez, si vous pouvez tout court. Bon, c'est difficile aujourd'hui. En fait, l'émission est enregistrée. On va pouvoir la rediffuser. Oui, on pourra la rediffuser. Bon, ouais. Comme ça, tous ceux qui n'ont pas pu l'écouter ce soir. Parce que c'est quand même très important que des gens aillent à ce Conquérant Metal Festival. Oui, hein. Bien sûr. Donc il faudra la mettre en ligne très tôt, mon cher Tom. Tout de suite, là, elle va être en ligne maintenant. Celle-ci va l'être avant. Ah, bon, d'accord, très bien. Mais il faudra mettre aussi celle de la semaine dernière parce que le partenariat court. Toujours, mais il court. Avec Film. D'ailleurs, vous pouvez toujours nous appeler, nous envoyer un texto au 06 81 01 28 34. Vous faites une rime en Film. Pour rafler des places pour aller au festival British Steel Saturday Night 5 de Film. Voilà. On envoie tout de suite la musique, mon cher Tom. On part en bateau. On part en bateau alors. En Drakkar. On rame. Elle te hante. C'est Vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show. T'as vu, j'ai fait une rime. T'as vu? Ouais, c'est beau, non? C'est trop dur. Hein, elle était belle celle-là. Et pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Bon, et bien, nous sommes toujours dans la spéciale Conquérant Metal Fest qui aura lieu le 22 et le 23 octobre dans le Calvados. Voilà, donc vous avez pu écouter mon cher Tom Dagoba. Dagoba, exactement dans cette plage horaire qui était somme toute magnifique. Donc Dagoba, avant on a eu Drakkar parce qu'on était parti en bateau comme on l'avait dit. Drakkar avec Lost, on s'est perdu. On est revenu. Avec Addiction. Addiction, juste une addiction. Non, c'est Addiction, Rock for Show, je pense. J'espère. Au fromage aussi, c'est pas mal. Dites-nous, tiens, d'ailleurs, quelle est votre addiction? Est-ce que vous pouvez vous passer du Rock for Show de temps en temps? Nous, on peut pas, hein, Tom? Non, c'est dur. On a du c'est mal. Dur. C'est on dur. On aimerait bien de temps en temps, mais cet été, on a fait quand même un break. Hein, c'était bien. Merci, Tom. Tu as réussi à faire un break. Moi, je voulais faire un break. Il fait non, ce n'est pas possible. Excuse-moi, je veux des vacances, patron. C'est bien parce que tu as doublé mon salaire. Ouais, t'as vu? C'est cool. On l'a doublé quand même. Vous avez doublé mon salaire. Ça, mais il me fallait des vacances. Et tu sais quoi? Je me dis qu'à la fin de l'année, en décembre, je vais peut-être le tripler ton salaire. Tripler le double ou tripler. Non, mais ça suffit. Tripler l'initial. Ce sera déjà pas mal. Oh, sachant que l'initial ça changerait pas grand chose. Sachant que l'initial est de 0, donc vous faites le calcul. Voilà. Hein, ça changerait pas grand chose si je triplais l'initial ou le double. Ah, tu peux la mettre au cube, tu peux la mettre au carré, tout ce que tu veux. Mais... Hein, 0 plus 0, ça fait toujours la tête à Toto, hein, de voilà, toute façon. Ouais. Allez, Alzheimer. Merci pour moi en même temps. Alzheimer, c'est le groupe que vous par entendez. Par contre, ça, tu ne l'as pas, toi, Alzheimer. Non, ouais, non, mais là, c'est Alzheimer. Ils ont fait un jeu de mots quand même, faut leur remettre. Parce que franchement, musicalement, c'est pas top. Mais alors, le jeu de mots, il est sympa. Moi je trouve. Tiens d'ailleurs, musical... ils viennent te chercher. Musicalement, c'est pas top. T'es méchant. Mais non, c'est de la reprise. Ouais, non, mais c'est pas ça. Le son qu'on entend, nous, là, ce qu'on diffuse, c'est pas top. Ce qu'on diffuse, nous, c'est un live vidéo. Voilà. C'est pour ça, quoi. Je te dis, c'est pas top. C'est pas leur musique à eux. Bien sûr, qui, de toute façon, s'ils sont Conquérante Metal Fest, c'est qu'ils savent bien. Non ? Ah, bah, normalement. Puis, de toute façon, c'est la succession de Lenny. Voilà. Et Lenny, on fêtera bientôt, c'est un an, quoi. On aura certainement une grosse pensée, puis on essaiera de faire quelque chose. On avait fait quelque chose d'extraordinaire l'année dernière, un mois après. Cette année, c'était un mois après. On va voir, parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles il faut penser, mais on a d'autres choses aussi à penser, parce qu'il y a d'autres hommages à rendre. Donc on verra. Et puis il y a d'autres choses aussi à préparer, parce que la vie continue. Et puis surtout, à minuit ce soir. À minuit. De quoi, à minuit. Allez, non mais à minuit, moi je dors comme tout le monde. Allez sur la page Facebook du Paris Metal France Festival. Non, il revient. Il revient. Il est pas content. Hein. Il est pas content, mais il revient. Hein. Genre le mec qui est en face de toi, il est pas au courant. Quoi. Non, le Paris Metal France Festival va bientôt fêter ses 10 ans. C'est pas beau ça, 10 ans, c'est jeune en plus. Hein. Ouais. Il a de longues années devant lui. Oui, de très longues. Par contre, son propriétaire, il va fêter ses 50 ans. Ah ouais. Mais il a de longues années devant lui aussi, son propriétaire. Ouais, il a encore un demi-siècle, hein, c'est bon quoi. Allez, on va passer à la suite de la programmation. On vous reparlera du Paris Metal France Festival 6 la semaine prochaine. Voilà, puisqu'on aura commencé à annoncer quelques groupes. Donc ce soir à minuit, hein, sur le site du Paris Metal France Festival, vous découvrirez les 6 premiers groupes. Pour l'instant, on reste. On peut pas en avoir nous sur la radio, enfin sur dans le Rock for Show, on peut pas en avoir vraiment tout le monde. Alors, je peux vous dire que ce soir, dans l'émission que nous diffusons, il y a des groupes qui seront au Paris Metal France Festival. Ah ouais, pas mal celle-là. Il y en a. Il y en a aussi. Tu sais, c'est un peu comme les tontons flingueurs. Il y en a aussi. Donc voilà, dans l'émission que nous vous diffusons ce soir, nous vous disons pas je lesquels. Juste les noms, parce que moi, sachant que j'en connais déjà en partie. Oui. J'ai pas les cités, moi, j'ai pas le droit. Non, mais il y en a que tu connais. Voilà. Oui, ils sont dans l'émission de ce soir. Mais tu peux témoigner. Oui, bien sûr, oui. Hein, il y en a dans l'émission de ce soir. Tu peux plus soyer. Oui, j'ai plus soif. Combien on a ? Tiens, si on comptait. Je sais pas, on comptait. Alors. 2, 3, 4. Dans l'émission de ce soir, il y en a combien ? Il y en a 4, 5. 5 ? 5 ? 4 ou 5 ? Ouais, il doit y en avoir. Ouais, il y en a pas mal quand même. C'est pas ça. De l'émission de ce soir, sincèrement, il y en a quand même déjà pas mal. 5, 4, 5. De tête, hein, parce que je connais pas tout têtes, non plus, j'ai pas toutes. Allez, on va continuer donc. C'est pas moi qui gère ce festival. Ouais, mais l'émission, c'est surtout une spéciale Conquérante Metal Fest. Oui, pour venir en aide à Valentin. Hein, un sourire pour Valentin. Et donc, nous allons continuer avec Headcharger qui nous a sorti un album qui s'appelle Black Diamond Snake. Et le titre que l'on va diffuser, bah c'est bien que tu vas me le dire parce que j'ai oublié de le marquer sur ma fiche et tu dois l'avoir là-bas sur ton player, Mister. Il est gentil, lui, il me prend au dépourvu. Tu peux ou pas ? Si tu peux pas, c'est pas grave, on l'annoncera tout à l'heure. Ah, le Land of Shiner, c'est ça ? Land of Sunshine. Voilà. Sunshine, d'accord, c'est ça. À moins que tu m'aies mis tout n'importe comment. C'est celui-là et c'est sorti chez V-Record en 2014. Le groupe s'est formé en 1997. C'est leur 6e album et ils nous viennent de Caen en Basse-Normandie. Donc quand c'est un camp du. Enfin, c'est Caen. Un... C'est quand. Arrête. C'est un groupe du cru puisque le festival a lieu à Caen. Eux, ils viennent de Caen, donc c'est un groupe du cru. Ils jouent à le domicile, les Headcharger. Quand ça. On enchaînera ensuite avec Primal Age. Primal Age qui nous avait sorti un album The Gear Wheels of Time qui était sorti chez Deadlight Entertainment en 2010. Je crois que c'est leur dernier album en date. Hein. Je croyais même que le groupe avait splitté, mais non, apparemment non. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, A Fire Consumes My Heart. Tu savais ça ? Non. Mais moi je te le dis, le feu consume mon cœur. Et le groupe a 2 albums plus un maxi à son actif. Ils nous font du hardcore. Et arrête de me faire du bruit dans les oreilles, s'il te plaît. Et ils nous viennent d'Evreux, ou encore la Normandie. Hein ? Oui ? On peut dire ça. Oui, je pense. Hein. Ensuite, nous enchaînons avec les Frantic Machine. Et leur album, je sais plus comment il s'appelait, mais le titre que je vais vous diffuser s'appelle Fantasy. L'album est sorti en 2014 chez Eli Promotion. Le groupe a donc à son actif 2 albums. Ils sont assez influencés Metallica, enfin surtout sur le premier album. Et le groupe s'est formé en 2003. En 2003, à 11 ans, ils ont réussi à faire deux albums. Oh, c'est vraiment de l'autoprod pur, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais ils ont fait plein d'autres choses, hein. Ils ont des métiers aussi dans leur vie. Oui, non, mais moi, je parle au niveau du groupe. Mais fou, après, là, et ils nous viennent d'Île-de-France, de Paris, et presque exactement, j'allais dire, mais non, presque. Hein. Voilà, alors on vous laisse donc en musique avec Head Charger, suivi de... D'accord, merci, c'est très bien. Suivi de Primal Edge et on terminera avec les Frantic Machine. Et ça signifiera la fin de la programmation du Conquerant Metal Fest des 22 et 23 octobre. Musique, Tom! I made a choice to take you out. So retour dans les studios et vous écoutez un super groupe qui s'appelle Slip Panther. Steel Panther, bien évidemment, qui seront en concert bientôt. Et cette blague-là, je crois que t'es le premier à la faire. J'aime bien, moi, j'aime bien. En plus, je sais que sur scène, ils font monter les filles et ils leur font show me your tits. Ils font montrer les seins des filles, c'est beau, c'est sympa, quoi. Hein, et moi, je ne sais Jen, plus. Ah merde, elle est pas là. Je ne sais plus à quel sein me vouer, du coup. Tu vois le truc. Donc, Steel Panther seront en concert le 9 à Paris, c'est-à-dire dimanche, c'est ça, hein, c'est, oui, dimanche. Yes. À partir de 19h à la Cigale, ils ne seront pas tout seuls, ils seront avec Inglorious, évidemment. Paris, la Cigale, le 9, c'est Steel Panther. Ah, je l'ai déjà fait, c'est redondant, je sais, mais c'est pas grave. Nous venons donc d'écouter la petite programmation musicale avec Head Charger, suivi de Primal Age et bien entendu, pour terminer, Fortic Machine. Ainsi s'achève la programmation du Conquérante Metal Fest qui vient en aide au petit Valentin. Atteint d'une maladie qui l'empêche de développer sa cage thoraxique, d'après ce que m'a dit mon cher Tom. Alors après, si c'est pas ça, hein, tant pis pour toi. Mais allez voir ça sur le site de l'association Un Sourire pour Valentin. Ouais. Et là, vous comprendrez tout ce qui se passe autour de cette association. On va vous rappeler les groupes, peut-être, qui sont à l'affiche de ce festival. On va commencer par Loadblast, il y a ADX, Killers, bien évidemment. Dragar, Des Editions, oui. La Goba. Et Head Charger. Et Alzheimer aussi. Alzheimer. Qui est un groupe de reprise. De Motorhead. Primal Age. Et voilà. Puis Frantic Machine, qu'on vient d'écouter à l'instant. Voilà. C'est cool. Hein, ça fait un peu dans l'ordre chronologique, mais inverse. Oui, un peu. On a écouté la tête d'affiche, et puis plus elle allait, plus on descendait. Oui, bien sûr. On est sur l'affiche. En tout cas, sachez que c'est le 22 et le 23. Octobre, dans le Calvados. Dans deux semaines. Vous avez le temps de réserver votre BlaBlaCar, votre TGV, votre Intercité, voilà, tout ce que vous voulez. Et d'aller communiquer sur la page de l'événement de Conquérant Metal Festival. C'est le Conquérant Metal Fest. Voilà, vous tapez tout ça et vous tombez directement sur la page Facebook du festival. Voilà, on va continuer en musique avec des nouveautés cette fois-ci, avec des petites choses qu'on a reçues. Je les ai reçues aujourd'hui, donc j'ai écouté, ça m'a paru vraiment sympa. Sons of Balor, si vous préférez. Le groupe nous sort un album qui s'appelle Tenebris Deos. Deos, c'est Deodora ? Non, non, c'est pas bon, ça va être. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, bah c'est pas ça. Mais le groupe nous a sorti, enfin le titre que je vais vous diffuser ce soir s'appelle Invocation. Vous allez voir ça. Moi j'adore. Franchement, j'ai un petit peu craqué. C'est sorti chez, enfin ça va sortir chez Season of Mist le 14 octobre. C'est un quatuor de black metal originaire de Norvège, d'Oslo exactement. Et comme influence, ils ont des choses ma foi très très bonnes, très bonnes. Puisqu'il s'agit de Behemoth, de Mayhem, d'Emperor, de The Damned and Zardonic. Voilà, tout ça rien que pour eux. Le groupe s'appelle donc, je vous le répète, Sons of Balor. Et franchement, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Je suis pas un grand adepte de black metal, mais là, je dois avouer que franchement, ça joue, ça sait chanter. Il y a de la musicalité, il y a de la mélodie, et puis ça raconte des histoires qui font peur. Alors, j'aime bien. Hein. On enchaînera ensuite avec Tank. Tank, le groupe français, bien évidemment. Think a New Kind. Think a New Kind. Effectivement. Tiré de leur album Symbiosis, mon cher Tom. Yes. Hein. Et le titre que l'on va écouter s'appelle Troubled Days. Et c'était sorti chez Symbol Music en 2015. Et ils seront ce samedi-là, à 20h. Les Tanks, ils seront là, à Savigny-le-Temple, à l'Empreinte. Et il y aura Guest avec eux. Ouais, Guest. Je sais pas qui c'est, Guest. Bah tiens, justement, hein, si toi, derrière ton poste, tu sais qui est le Guest de Tank à Savigny-le-Temple, à l'Empreinte, eh bien, tu nous envoies un petit texto au 06... 81 01 28 34. Exactement, mon cher. 06 81 01 28 34. Mais tu es au top. Mais je crois qu'il a pas pris un papier et un crayon parce qu'il l'a pas noté. Alors il va le répéter. Bah oui, voilà. Oui, il prend son téléphone, il le déverrouille. Donc tu tapes ton code PIN. Merde, t'as loupé. Tu recommences. Donc tu prévois le SMS au 06 81 01 28 34. C'est bon ? Exactement. Bon, bah, allez, c'est bon. Ciao. Hein. Salut. Et si, et tu peux aussi nous envoyer un petit texto juste pour nous dire ouais, ton émission elle est super, ou non, ton émission est toute pourrie, t'as passé que des groupes de 1, hein, mais non, c'est pas vrai, on a passé que des bons groupes. Vous avez pas parlé des concerts, oui, c'est vrai. Et puis vous avez pas parlé de Sylvie Larsen qui joue mardi soir. Non, c'est vrai, mais c'est mardi soir au Divan du Monde. Voilà. Eh bien, merci d'en parler. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Vas-y, profite, Tom. Mais si je profite de trop, t'es mal. Oui, mais c'est pas grave, profite un peu. Allez. Je peux profiter. Sur les canapés. J'ai le droit. Non, mais parle-nous de Sylvie Larsen. Ils ont sorti un nouvel album, tout ça. Ah oui, mais je l'ai pas encore beaucoup écouté. Bonsoir, Bastard. Ouais. Et ils ont d'ailleurs sorti un nouveau clip, si je ne m'abuse. Oui. Je n'ai pas le plus le titre. Très étudié la chose. Bon. En tout cas, voilà. On va vous passer de la musique. On se retrouve tout de suite après avec une surprise. Puisque ce seront les invités de la semaine prochaine. Hein, ah, ils sont là ? Ils sont à la porte. On enregistre l'émission pour la semaine prochaine. Non, on l'enregistre pas du tout, ils seront là en direct. Alors on commence avec Sons of Balor et on continue avec Tank et on se retrouve tout de suite après, mon cher Tom. C'est parti, musique, bah ah. Shut up. Je demande juste merci une augmentation. Non, c'est pas pour moi qu'il a mis merci patron, c'est pour notre cher patron du Canada, du Québec, Eric Flynn, à qui on passe un petit coucou, hein, mon cher Tom. Ah oui, et puis là, on te l'a fait dédicace à la bonne française. Hein. Ah ouais. Les Charlots, merci patron. Les Charlots, merci patron. Dans une émission de métal, tout va bien. On est bien dans le Rock for Show, vous inquiétez pas. Enfin, vous êtes bien dans le Rock for Show. C'est rock, c'est fort, c'est chaud, c'est le Rock for Show. Bien voilà. C'est allez, très rock et c'est très fort et c'est très il nous chaud. Reste très peu de temps pour finir. Donc, avec Tank, il y aura donc The Arse et Nact. Merci Chris de nous avoir donné le renseignement via 06 81 01 28 34 en texto. Et merci à toi. Et d'ailleurs, tu as gagné une place pour aller à FIM, puisque c'est ça. Tiens, et je t'en donne une deuxième si tu as quelqu'un pour aller avec toi là-bas. Et je n'ai plus de batterie. C'est trop bon. Il est tombé en rade ? Ouais, il est tombé en rade. Ah merde, on a branché en retard. Ouais, on l'a branché un petit peu en retard, c'est pas grave. On va finir avec nos invités de la semaine prochaine, mon cher Tom. Puisqu'il s'agit de Yann si Arbellino et El Bucho. Pas voilà. De problème. On est d'accord ? Et oui, on se fait ici. Allez, dans on les se studios. Dit à la semaine prochaine avec Yann Arbellino et El Bucho. Pas dans le micro parce qu'on t'entend pas aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui croient que t'es de la reverb, c'est parce que tu parles pas dedans. J'ai dit, on se retrouve voilà. La semaine prochaine, monsieur Tom. Même lieu, même heure, avec le Rock for Show, toute la soirée, pendant 2 heures, avec Yann Mélino et El Bucho. Tu n'es pas une marionnette. Bon, c'est vrai, je ne suis pas le Fernando Rocho. Bon, allez, c'était rock. C'était fort. C'était chaud, c'était le Rock for Show. À la semaine prochaine, bye bye.